ne pensez qu'à la France et vous retrouverez le goût du combat. Laissez parler votre cœur et votre raison, ils sont les meilleurs guides. Portez partout la bonne nouvelle patriotique, l'heure de la France va bientôt sonner. Et pour gagner, ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la République! Vive la France! Vive la France! Marianne s'en fauve par la cajoline, frôlée par la folie. Elle hurle, elle vacille, elle n'est pas jolie. Elle a chaud et les fins jaunies. Son string a jauni. Une moitié est islamophobe et l'autre moitié n'aime pas Johnny. On veut voir une multitude de doigts levés dans la salle. Que ceux qui qu'une multitude, comme nous rêvait Jean Lassalle. Ils ont su nous diviser, les ouvriers contre les patrons. Dividant des vies brisées, les banquiers contrôleraient Macron. On doit faire une sélection, mais le peuple est super grave. Ça se présente aux élections avec les mains super crades. Téléphone entre les reins sans paniquer le matin d'une perquise. Niquer l'humanité loin de l'idée de Martin Luther King. Nul n'aime se faire palper perso, j'ai ma fierté, oh. Le Pen veste qu'il a fouillé, je ressonge à l'affaire Théo. Parmi les candidats, y'a déjà l'espoir qui s'est pendu. Le vas-y s'est fendu, vas-y laisse-moi pisser dans l'urne. Vice et grandeur, faut dire qu'on les subit ces branleurs. D'ailleurs le sursis est brandi là où toi tu glisserais dans l'heure. Les vautours s'emparent de tout, un train de vie trop faste. D'autres tournent dans 9 mètres carrés parce qu'ils rêvaient trop vaste. Ivre ou non, ils te diront que ton livre ment. Pour qu'il y ait que les armes et les drogues dures qui circulent librement. Pour se faire élire, les politiques nous piquent ça, non. Ils ont plus que des punchlines, il manquerait plus qu'ils kickent les Allemands. Les uns contre les autres, les gens ne résistent plus, hey. Le mal contre la zone, via de vrais fils de... J'sais pas si ça te parle mal, mais leur programme parle à personne. Le mal parle mal, l'avenir des mômes va pas se faire seul, yeah. Les uns contre les autres, les gens ne résistent plus. Beaucoup manquent de bif de thunes, brisent le huc et vivent de stup, yeah. Les uns contre les autres, leur programme parle à personne, ah. Si ça te parle mal, c'est... Oui. Le mal parle mal, mal c'est... Parle mal, c'est... Je ne serais pas candidat. Non, non, certainement. Si j'étais mis en examen, je considérais que je ne suis pas en mesure d'assurer la direction du pays dans des conditions... Donc c'est une question, voilà, morale. Oui, une question morale. Tant qu'on aura de la merde en tube, les vrais salaires. Tant qu'elle fera plus de thunes sur YouTube, les vrais salaires. L'ambulance, le malheur, tristesse, démarre l'énumération. L'opulence de la leur, tristesse, démarre rémunération. J'ai vu dans le marc de café, pas le canif. Et je serais au star si je faisais le quart de ce café, pas le canif. La liberté, c'est l'empire des bulletins de vote. Et Satan, le pire des buts, faire le pire des putains de vols. Le keuf tape les fioles et sans goutte de sang, pas de passion. Donc émettre après viol, sans goutte de sang, pas de passion. La bagasse, tu l'es trop étroit. La pige et le pardon, la matraque, tu l'es tous les trois. À la rature et tous les droits. La France se met désormais en là. Ils en errent en larmes. Le forcené désormais en larmes. Sans délai, sans une lettre, décrit le suicide. Le voisin se délecte sans une lettre, décrit le suicide. Et ça cogne mes rimes, pas j'arrive. L'hexagone va chaud voleur. Et ça cogne mes rimes, pas j'arrive. Le boss en caisse, ça passe de plaque à l'aigresse. Pendant que mon pays régresse, il parle mal et passe de plaque à négresse. Là où la différence fait peur, le voile est molesté. Là où le vivre ensemble pleure et voile est mort rester. Crois-tu que Manuel va cesser ses inégalités? Mais seul mind va durer face à ses inégalités. Les uns contre les autres, les gens ne résistent plus, hey. Le mal contre la zone, via de vrais fils de... J'sais pas si ça te parle mal, mais leur programme parle à personne. Le mal parle mal, l'avenir des mômes va pas se faire seul, yeah. Les uns contre les autres, les gens ne résistent plus. Beaucoup manquent de bif de thunes, brisent le huc et vivent de stup, yeah. Les uns contre les autres, leur programme parle à personne, ah. Si ça te parle mal, c'est... Le mal parle mal, c'est... Parle mal, c'est... Quand nous on est convoqués par la police, nous ouvriers par exemple on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Nous on pense que le problème des politiciens corrompus, c'est la professionnalisation de la politique. Donc on a des gens déconnectés de la population, surpayés, 6 000, 7 000, 10 000 euros, députés, sénateurs, ministres. Et ça c'est scandaleux. Oh, je rappelle quand même que le salaire minimum aujourd'hui c'est 1 100 euros et qu'il y a plein de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est à peu près 9 millions d'euros.